Chapitre deuxième, à coups de pied en bas de l'escalier. La porte à main gauche, sous la voûte d'entrée du château de Dane, s'ouvrait sur ce qu'on appelait le hall, pièce immense et luxueuse, l'orgueil de la province. Les murs étaient ornés d'admirables peintures, une riche mosaïque recouvrait le sol, les meubles étaient plutôt massifs qu'élégants. Dans les anciens jours, quand Lord Dane était bien portant et que de grands dîners avaient lieu au château, ce hall servait de salle de réception et de salon. Il communiquait par de grandes portes à deux battants avec la salle à manger, également fort belle, sans qu'elle eût cependant d'aussi vastes proportions. Chacune de ces deux pièces était en façade et avait vue sur la mer. Le hall s'étendait sur toute la profondeur du château, à l'exception d'un large passage de pierre qui régnait dans toute la longueur et sur lequel il s'ouvrait aussi. La salle à manger donnait également accès à une petite pièce plus petite, servant aujourd'hui de chambre à coucher à Lord Dane. Au premier étage se trouvaient d'autres salons et les grandes chambres à coucher. De l'autre côté de la voûte d'entrée, les appartements étaient moins vastes, et ceux ayant vue sur la mer restaient généralement inhabités. Les cuisines et les chambres d'attente pour les domestiques étaient en retour du château. Le passage de pierre mentionné plus haut régnait presque sur toute la longueur de la maison, passage obscur, après tout, et d'un usage peu agréable. À chacune de ses extrémités, un escalier montait à l'étage supérieur, l'un servant spécialement aux membres de la famille, l'autre surtout aux domestiques. Deux ou trois chambres inhabitées y prenaient accès, sur les derrières du château. L'une d'elles était remarquable, on l'appelait la chambre de la mort. D'autres passages, corridors et étranges réduits, coins sans communication entre eux, abondaient dans le château, quelques-uns convergeant vers la porte d'entrée latérale, qui, par ordre de Lord Dane, restait toujours fermé à clé. Monsieur Bruff, l'intendant, avait la garde des clés, de sorte que personne n'entrait ni ne sortait jamais que par la grande porte cochère. Le soir du jour où s'étaient passés les événements relatés dans le chapitre précédent, la famille Dane était assemblée avant le dîner dans le grand salon. Lady Dane, Adélaïde et un invité, Monsieur Lester. Monsieur Lester, généralement appelé Squire Lester, pouvait avoir 38 ou 39 ans, mais il ne les paraissait pas. C'était un homme gai, charmant, entraînant, de taille moyenne, à cheveux noirs, l'œil d'un bleu violet. On commençait à dire à Dainchild que ses visites au château avaient Lady Adélaïde pour objet, et qu'il espérait se consoler de la perte de sa première femme en l'épousant, malgré les intentions avouées de Harry Dane à son égard. Lady Adélaïde, debout près de la fenêtre, causait tout bas avec lui, qui, la tête penchée vers elle, en l'écoutant, la dévorait du regard. Lady Adélaïde ne faisait pas la moindre opposition à se laisser ainsi dévorer. Elle savait ne courir aucun danger, et elle se complaisait dans toutes ses flatteries et dans ses adulations sans lesquelles elle n'aurait pu vivre. Elle portait une robe blanche sans aucun ornement, à l'exception d'un nœud de ruban rose sur son corsage, un collier de perles et des bracelets de perles posés juste au-dessus de ses gants. Monsieur Lester, à l'entrée de Harry Dane au salon, fit quelques pas en arrière. « Je vous croyais parti, » s'écria Lady Adélaïde. « J'arrive plus tard que je ne devrais, » répondit-il. « J'ai cherché différents papiers que je désire remettre à Mountain. » « J'avais cru comprendre que votre ami devait venir nous voir aujourd'hui, Harry, » observa Lady Dane. « Il ne viendra que demain. Le patron du yacht ne juge pas prudent de repartir avant demain soir. Cela permet à Mountain de rester ici un jour de plus. » « Au revoir, Adélaïde. »« Je vous souhaite une soirée agréable, » dit-elle, en lui permettant de garder quelques instants sa main dans les siennes. À ce moment, la porte s'ouvrit et le sommelier annonça le dîner. Le capitaine Dane offrit son bras à Adélaïde. « Ce retard de mon départ me vaut au moins une récompense, » fit-il tout bas en traversant le salon avec elle. « Une jolie récompense, » dit-elle en renversant légèrement sa tête et en souriant. « Une récompense bien douce, » murmura-t-il. « Adélaïde, » ajouta-t-il d'un ton passionné, « vous avoir mon bras, comme en ce moment, ne fût-ce qu'une minute, suffit à me remplir le cœur de joie pour toute la soirée. » Ils descendirent l'escalier, traversèrent le grand salon et entrèrent dans la salle à manger. Là, il quitta son bras, s'inclina devant elle avec une politesse chevaleresque et baisa sa main, qu'il tenait encore dans la sienne. Le capitaine dînait ce soir-là à bord du yacht avec le colonel Mountain. Lord Dane, assis au bout de la table, attendait l'entrée des convives. Il en était toujours ainsi depuis son accident. Lord Dane était encore un hôte charmant, faisant les honneurs de sa table en grand seigneur et un homme d'esprit. Il avait toujours eu une grande réputation pour ses saillies et ses réparties, et personne, en le voyant ainsi, assis à ses tables, gai et spirituel, n'aurait pu le supposer infirme, privé de l'usage de ses membres inférieurs et soutenu par des ressorts mécaniques. Lady Dane prit place en face de lui, M. Lester et Lady Adélaïde des deux côtés, et le dîner commença, servi par Bruff et deux domestiques. La soirée était délicieuse. Il faisait presque aussi clair qu'en plein jour, et Richard Ravensbird, assis devant la grande porte du château, rêvait au clair de lune et aux étoiles. Devant lui s'étendait la pelouse du château et les beaux pâturages jusqu'aux falaises. Plus loin, la mer, que de l'endroit où il était en ce moment, il ne pouvait apercevoir qu'au large, et dont les falaises lui cachaient les vagues près des côtes. À droite, les villas disséminées çà et là, et plus loin, le village et ses lumières. Presque en face de lui, les ruines de la vieille chapelle, ses fenêtres béantes et ses murs couverts de lierre à moitié effondrés, auxquels la lueur blafarde de la lune donnait un aspect étrange et sinistre. M. Richard Ravensbird se leva enfin, se promena quelque temps sur la grande route, puis traversant la plaine en droite ligne, entra dans les ruines. À chaque extrémité de la vieille chapelle se trouvait une ouverture dont le temps ou la main des hommes, on ne savait, avait fait un véritable passage, tout à fait praticable. Par endroits, le sol était couvert de gazon et de mousse. Des pierres sépulcrales, noircies par la pluie et le temps, des dalles de marbre, des niches, des réduits, des restes d'hôtels, apparaissaient çà et là entre le lierre et les décombres. Ravensbird ne fit que traverser les ruines et se dirigea vers l'extrémité des falaises. À cet endroit, les rochers n'étaient pas très élevés et n'avaient rien d'effrayant. Ravensbird jeta les yeux sur la petite langue de terre au-dessous qui formait la berge, très étroite, très resserrée, et que la mer recouvrait entièrement, pendant 2 heures, au moment de la marée haute. À marée basse, des douaniers s'y promenaient incessamment de long en large. C'était un de leurs postes. Les douaniers avaient chacun une certaine étendue de côte à surveiller, 1 mille environ, plutôt moins que plus. L'allure de leur marche devait être mesurée de façon à ce qu'ils se rencontrassent à un certain moment à la limite indiquée. Là, ils échangeaient le signal « tout va bien » et retournaient sur leurs pas pour recommencer toujours jusqu'à la fin de leur faction. Les mauvaises langues prétendaient qu'il fallait quelquefois ces points de rencontre, qu'on les avait vus allumer leurs pipes, tirer de certaines cachettes au milieu des rochers des bouteilles suspectes et prendre tout à fait leurs aises sans se préoccuper des contrebandiers. L'inspecteur des douanes avait eu vent de ces rumeurs et menacé de faire un exemple. Un triste événement avait lieu quelques jours auparavant, à cet endroit même de la plage. L'homme chargé de la surveillance de cette partie de la côte s'était assis, on le supposait du moins, et s'était endormi. La marée montante l'avait saisi et emporté en pleine mer. Son corps avait été rejeté le lendemain sur la plage, et une souscription de la liste portée en tête les noms de Lord Dane et de Harry, avait été ouverte dans le village en faveur de sa femme et de ses enfants. Au moment où Ravensbird arrivait au bord de la falaise, le douanier en faction cette nuit-là descendait lentement vers la plage, venant d'un point un peu plus élevé où le roc en saillie cachait entièrement la vue. Ravensbird attendit qu'il eût tourné l'angle du rocher, et quand il fut sur la petite berge, il l'appela. « Est-ce vous, Michel ?» L'homme leva les yeux, sans distinguer au premier abord qui lui parlait. « Vous ne me reconnaissez pas, Michel ?» La nuit est assez claire, cependant. Prenez garde de ne pas vous endormir, comme ce pauvre Biggs. Oh, c'est vous, monsieur Ravensbird. Non, monsieur, n'ayez pas peur, j'y prendrai garde. Nous croyons que c'est justement en cet endroit qu'il s'est assis et s'est endormi, si réellement les choses se sont passées ainsi. Nous ne sommes pas gênés pour dire librement notre pensée. C'est véritablement idiot de nous forcer à arpenter cette partie de la berge. Voyons, en bonne conscience, monsieur Ravensbird, est-ce agréable en de certains endroits, ici par exemple, il n'y a pas seulement la place pour mettre un pied devant l'autre. Biggs, plus que probablement, aura glissé. Voilà comment il s'est noyé, il ne s'est pas du tout endormi. Si vous pouvez persuader aux officiers de la couronne que votre surveillance est inutile et les décider à vous dispenser de vos factions, les contrebandiers vous en auront une certaine reconnaissance. Ce n'est pas ça que je dis, qu'on nous fasse marcher sur les hauteurs, voilà tout, et nous ne courrons plus de danger. Et puis il y a si peu de contrebandiers aujourd'hui. Faut-il que vous soyez poltron de vous imaginer que vous courez des dangers là où vous êtes? Un enfant lui-même y marcherait. Oui, peut-être, avec une attention de tous les instants. Mais que voulez-vous, on ne peut cependant pas toujours être sur ses gardes. » Ravensburg se mit à rire. « Grâce à ce que vous prenez soin de vous réchauffer de temps en temps d'un bon verre de gin, n'est-ce pas, Michel ?»« En vérité, non, monsieur, vous vous trompez grandement. Nous ne prenons jamais rien. Nous n'osons pas. Ce serait nous exposer à être destitués. Eh, monsieur Ravensburg, ne vous penchez pas tant, vous pourriez être pris de vertige. » « Non, pas moi. J'ai les jarrets solides. Et puis j'aime à regarder du haut des falaises. » « Je n'en dirai pas autant pour moi. Ce serait une terrible chute. On s'y briserait certainement les jambes et ça pourrait coûter la vie. Bonsoir, monsieur Ravensburg. » « Je ne souhaite pas en faire l'expérience. Bonne nuit, si vous continuez votre faction. La mer sera bientôt haute, j'imagine. » Le douanier s'éloigna lentement et Richard Ravensburg revint sur ses pas en se dirigeant de nouveau vers les ruines. Il était à peine entré qu'il vit quelqu'un s'approcher venant de Danesheld et reconnut Herbert Dane. « Allons, Sophie avait raison, » se dit-il en lui-même. Jusqu'à ce moment, il n'avait cru que fort peu aux histoires de Mademoiselle Sophie. M. Dane s'avançait en sifflant. Quand il fut arrivé à la chapelle, il s'appuya contre le rebord d'une des fenêtres couvertes de lierre et regarda dans la direction du château. Dans cette position et se confondant pour ainsi dire avec les ruines, il ne courut aucun risque d'être aperçu par qui que ce fût. Adélaïde parut quelques instants après enveloppée d'un grand châle. Elle marchait très vite. Herbert Dane s'empressa d'aller à sa rencontre et Ravensburg, caché dans un recoin des ruines, put impunément laisser tomber de ses lèvres une parole qui n'était certes pas un souhait de bienvenue. Herbert Dane offrit le bras à la jeune fille. Ils traversèrent vivement la chapelle ou, pour mieux dire, coururent, car Milady semblait impatiente, jusqu'à un terrain un peu au-delà et à ciel ouvert. Ravensburg s'était au moment où il passait devant lui blotti dans sa cachette. Quand il n'entendit plus le bruit de leurs pas, il s'avança avec précaution et presque entièrement caché par le lierre d'une des fenêtres. Il jeta au dehors des regards furtifs et écouta attentivement. Herbert et Adélaïde se promenaient de long en large entre la chapelle et les falaises, la main dans la main. « Le galant capitaine est-il au château ce soir ?»« Non, il est à bord du yacht américain. » « Squire Lester a dîné avec nous. » « Oh, Herbert, » fit-elle en riant gaiement, « avec tous ces admirateurs-là, je finirai par perdre la tête. Le squire devient bien démonstratif. »« Squire Lester est un être quelconque, Adélaïde. Le seul à craindre, c'est le capitaine. »« Ne vous tourmentez pas, » répondit-elle vivement. « Je le hais, je le méprise. Il se peut qu'il soit digne de l'admiration des hommes et des femmes, mais il est venu jeter son malencontreux amour entre vous et moi, et cela me suffit. Je le hais. » « C'est l'honorable Harry Dane. Sa fortune est grande, » dit Herbert d'un ton amer. « Ce n'est pas un rival à dédaigner. Si vous allez recommencer vos reproches, je retourne au château. » répondit-elle en affectant un air de bouderie enfantine. « Vous le savez bien, il ne m'est rien, et jamais je ne l'épouserai, quoique je sois forcé de le lui laisser croire. Pourquoi a-t-il... Mais je ne dois pas parler de cela. J'ai donné ma parole. En vérité, Herbert, craignez-vous que je l'épouse quand je... « Quand vous seul remplissez ma pensée ?»« Qu'est-ce que vous ne devez pas dire ?» demanda Herbert Dane. « Oh, rien. C'est quelque chose qu'il m'a confié, » répondit-elle négligemment. « Cela ne concerne ni vous ni moi. »« Vous paraissez fâché, Herbert. Vous pensez que je n'aurais pas dû lui donner d'espérance. Mais pouvais-je donc faire autrement ? Si ma tante soupçonnait mon amour pour vous, ou seulement que vous m'aimez, elle m'enverrait aux antipodes. » « Adélaïde, cette feinte ne peut pas durer toujours. » Il faudra bien en venir à une explication. Je le suppose, oui, un jour ou l'autre. Et alors ? Oh, je vous en prie, Herbert, ne me cassez pas la tête avec vos inquiétudes sur l'avenir. Quand ce moment arrivera, je trouverai une solution, je l'espère. Savez-vous quelle pensée me vient à l'esprit quelquefois ? Je suis tenté d'avouer toute la vérité à Harry, de lui dire combien nous nous aimons, et de me confier à sa générosité en lui demandant de nous garder le secret. Ne faites pas cela, Adélaïde. « Pourquoi êtes-vous si maussade ce soir ?»« Je ne suis pas maussade, je suis triste, voilà tout. Ma vie me paraît être comme un rêve pénible maintenant. Il y a des moments où je crois vraiment que vous ne m'aimez pas. » L'accusation était injuste et Adélaïde Erol leva sur son amant, d'un air de reproche, des yeux remplis de larmes, des yeux si beaux, si irrésistibles, que Herbert murmura un mot de repentir et, se penchant amoureusement, lui imprima un long baiser sur les lèvres. Pendant quelques minutes, Ravensburg n'entendit plus rien. Les deux amants étaient debout côte à côte sur le bord des falaises et semblaient regarder la mer au loin. Tout à coup, Adélaïde se retourna vivement. « Non, non, ne m'écrivez pas, » disait-elle, quand Ravensburg put entendre de nouveau. « Nous ne devons pas courir ce danger-là. Il ne serait peut-être pas prudent de confier des lettres à Sophie. Elle et ce hideux domestique de Harry sont grands amis. C'est une indignité que vous ne puissiez plus venir au château quand il vous plaît, comme vous en aviez l'habitude. Ce que vous dites est vrai. Tout le monde vous accueille froidement. Il me faut partir, Herbert. Si ma tante se réveillait et venait apprendre que je suis ici, quelle scène, quel cri! Quel mal faites-vous? Répondit violemment Herbert. Vous êtes aussi en sûreté avec moi, j'espère, que dans le château avec elle. Mais vous êtes précisément celui avec qui elle ne veut pas me voir. Vous devez me comprendre, répondit la jeune fille en riant. Elle s'imaginerait qu'il y a entre nous quelque complot contre le bonheur de Harry. Cécilia est-elle partie? Oui, cet après-midi. Vous êtes bien pressé de me quitter, fit-il d'un ton douloureusement affecté. Vous ne venez pas trop souvent, cependant, Dieu le sait, et je vous ai dit qu'il me serait peut-être impossible d'être ici demain soir. Les belles soirées sont rares. Puis-je donc sortir du château par les nuits noires ou pluvieuses? Vous n'êtes pas raisonnable, Herbert. Non, non pas à travers la chapelle, ajouta-t-elle. Je crains toujours, en passant dans ces ruines, d'y voir des fantômes. Il faut que vous ayez une véritable passion pour les ruines. Vous y passez votre existence. Il se mit à rire, et Ravensburg les vit s'éloigner à pas lents. Herbert Dane s'arrêta bientôt. Il craignait sans doute d'être vu dans ces parages. Après s'être serré la main, ils se séparèrent. Elle se mit à courir très vite sur la pelouse. Lui revint sur ses pas, et reprenant son ancienne place contre le mur de la chapelle, il la suivit les yeux jusqu'à ce qu'elle fût rentrée au château. Alors il se dirigea à pas précipités vers Dainchild et Richard Ravensburg, sortant de sa cachette, se dégourdit les jambes et calma son indignation par une longue promenade sur les falaises avant de rentrer au château. Le lendemain, la journée était aussi pure qu'avait été la nuit. Pas tout à fait aussi calme cependant, car une légère brise ne tarda pas à s'élever. « Tant mieux pour le yacht de Mountain, » observa le capitaine Harry Dane en s'asseyant pour déjeuner avec sa mère et Lady Adélaïde. « Le vent est favorable, ils marcheront rapidement. »« Quand partent-ils ? » demanda Lady Dane. « Cette nuit. » « Vous êtes resté tard à bord hier soir, n'est-ce pas, Harry ?»« Oui. Il était, je crois, minuit quand j'ai quitté le yacht. » Mountain et moi, nous avons parlé de notre ancien temps. Il jouit d'avance du plaisir de vous recevoir chez lui, Adélaïde. Il a une charmante résidence à Washington. Lady Adélaïde rejeta sa tête en arrière et dit d'un ton légèrement moqueur. Il se pourrait bien ne pas avoir le plaisir qu'il se promet. Washington est loin d'ici, capitaine Dane. Capitaine Dane ? Répéta-t-il piqué. Harry, alors, reprit-elle avec bonne humeur, en voyant Lady Dane lui lancer un regard désapprobateur. « Si vous avez honte de l'autre nom. »« Je n'en ai nullement, Adélaïde, » fit-il doucement. « Seulement, j'en ai mieux un autre, de votre bouche. »« Oh, mon Dieu !» soupira Adélaïde en se renversant brusquement sur sa chaise. « Que d'ennuis dans la vie !»« Quels ennuis ?» demanda Lady Dane. « Bien des choses, ma tante. »« Sophie était ce matin d'une humeur massacrante, et ce magnifique oiseau que m'a donné M. Lester ne bat plus que d'une aile. Je le crois presque mort. » Quand le capitaine Dane quitta la salle à manger après le déjeuner, il rencontra son domestique, Ravensburg, qui sollicita de lui quelques minutes d'entretien. Ils montèrent tous deux à un petit appartement dans une des tours, dont le capitaine avait fait son salon et s'enfermèrent. Lady Dane, après avoir fait enlever les restes du déjeuner, ouvrit son livre de prière et lut les psaumes du jour. C'était une femme d'une grande piété. Dans les premiers temps de l'arrivée d'Adélaïde Errol au château, sa tante lui avait imposé de dire les prières avec elle, mais en présence de la mauvaise volonté de la jeune fille à lui obéir et de ses impatiences, elle avait fini par lui dire doucement qu'elle fera mieux d'attendre que son cœur fût enfin touché de la grâce. La pauvre Adélaïde, dont l'éducation avait été fort négligée sous le rapport de l'enseignement religieux, considérait les prières comme un devoir ennuyeux et une perte de temps, et Lady Dane avait le bon sens de se souvenir qu'en matière de religion, il ne faut forcer personne. Elle s'assit dans un grand fauteuil auprès du feu, et Adélaïde resta debout près de la fenêtre. La salle à manger était contiguë au salon à l'extrémité du château. Une de ses fenêtres faisait face à la mer, et l'autre à Dainchild. La matinée était splendide. Le ciel bleu, parsemé çà et là de nuages. Les haies commençaient à bourgeonner, les fleurs à s'ouvrir, vrai jour de printemps. Ce n'était pas toutes ces charmantes choses que regardait Lady Adélaïde. Le soleil resplendissant, le ciel azuré, les haies verdoyantes, les fleurs naissantes, n'étaient rien pour elle. Elle ne donnait même pas un regard à l'admirable étendue de mer qui se déroulait devant elle, et aux vaisseaux majestueux passant au loin avec leurs grandes voiles blanches qui se découpaient sur le ciel à l'horizon. Elle ne voyait ni les charmantes villas près du village, ni les laboureurs au travail dans les champs, non. Son attention paraissait absorbée par toute autre chose. Herbert Dane était assis à califourchon sur cette même barrière où nous l'avons vu déjà la veille. Il affectionnait cette place et y venait souvent, car de là, il pouvait apercevoir une des fenêtres de la salle à manger du château et le jeune et charmant visage qui ne manquait jamais d'y apparaître. Aujourd'hui, ce n'était plus sa ligne de pêche qu'il tenait à la main, mais un fouet de chasse à pommes d'argent, dont il frappait alternativement ses bottes et les barreaux de la porte avec sa nonchalance habituelle. Il se découvrit pour saluer Lady Adélaïde aussitôt qu'elle parut à la fenêtre. Et un étranger n'aurait rien vu dans ses manières et dans son geste que la politesse cérémonieuse d'un gentleman. Elle, probablement, y voyait beaucoup plus. « Ma tante !» s'écriait-elle, rompant tout à coup le silence. Il lui semblait, dans son impatience, qu'une demi-heure au moins avait dû s'écouler depuis le commencement des prières de Lady Dane, quoiqu'en réalité il eût à peine 10 minutes. « Ma tante, n'est-il pas temps, croyez-vous, de nous préparer à accompagner mon oncle ?»« Pas encore, Adélaïde. Il est seulement... » « Eh bien, qu'y a-t-il ? » Un grand tumulte, des éclats de voix violents, irrités comme dans une dispute, venaient des étages supérieurs. Lady Dane, alarmée, se leva brusquement de son fauteuil. Adélaïde courut à la porte, qu'elle ouvrit toute grande. Le capitaine Dane et son valet de chambre, Ravensbird, étaient dans l'escalier. Le capitaine avait saisi le pauvre garçon par le collet et le poussait devant lui avec une violence extrême. Tous deux semblaient dans un état de surexcitation excessive. Ils arrivèrent ainsi, luttant, se bousculant, se colletant, jusqu'au palier du premier étage. Là, le capitaine Dane, d'un coup de poing et d'un coup de pied, fit perdre l'équilibre à l'infortuné Ravensbird, qui, tournant sur lui-même, alla rouler jusqu'au bas de l'escalier. Lady Dane, au comble de l'épouvante, regardait anxieusement Ravensbird par-dessus la balustrade. Le domestique se remit sur ses pieds, leva la tête et du poing menaça son maître. Il ne semblait apercevoir ni Lady Dane, ni Adélaïde. « Je vous conseille d'être sur vos gardes maintenant, capitaine Dane, » dit-il d'une voix sourde. « Je n'oublierai jamais l'insulte que je viens de recevoir, et je vous le jure, je vous la rembourserai avec usure. »« Grand Dieu, Harry !» s'écria Lady Dane, pendant que Ravensbird disparaissait au milieu du groupe des domestiques accourus au bruit. « Qu'est-ce que tout cela signifie ? Qu'a fait Ravensbird ?» « Qu'importe, ma mère, il ne troublera plus le repos de la maison. C'est là le principal. Je l'ai congédié. »« Congédié, Ravensbird ?»« Le misérable chien !» s'écria le capitaine, incapable de dominer sa fureur. « Mais qu'a-t-il fait ?» répéta Lady Dane. « Il a essayé de me faire croire à des mensonges ridicules. Et quand je l'ai contraint de me donner les preuves de ses infamies, il... Mais non, j'aime mieux ne pas en parler. Je sens que je le tuerai. » Et tournant les talons, le capitaine remonta lentement à son appartement, sans se préoccuper davantage de Lady Dane et d'Adélaïde. Richard Ravensbird ne donna pas plus d'explications que son maître. Marchant à grands pas au milieu des domestiques étonnés, il traversa le petit hall servant d'office, qu'il ne faut pas confondre avec le grand hall dont nous avons déjà parlé, puis le passage en pierre, sans prononcer une seule parole. Son visage était livide, ses traits contractés. Comme il allait sortir par la grande porte du château, il se retourna et demanda seulement à un des valets de pied de faire un paquet de ses effets et de l'envoyer à l'auberge du rendez-vous des marins. À ce moment, Sophie accourut, demandant une explication, mais Ravensbird la repoussa de la main. Avec l'opiniâtreté naturelle à son sexe, Sophie s'attacha à lui, insista, supplia, et alors Ravensbird lui promit de lui donner de ses nouvelles dans le courant de la journée. Ce fut là tout ce qu'elle put obtenir de lui, quoiqu'elle l'eût suivi au-delà des grandes grilles du château. Herbert était toujours à califourchon sur sa barrière, probablement fort ennuyé d'attendre et là de se frapper les bottes et les jambes du bout de son fouet. L'arrivée de Ravensbird, les traits bouleversés et dans un état d'agitation extraordinaire, était une vraie bonne fortune pour lui. « Eh bien, Ravensbird, que se passe-t-il donc ? » L'homme s'arrêta, regarda en face le questionneur, répondit en appuyant sur chacune de ses paroles. « J'étais jeté à coups de pied hors du château, monsieur. »« À coups de pied hors du château ?» répéta Herbert Dane, profondément surpris. « Par qui ?»« Pas par Milord, » ajouta-t-il en essayant de plaisanter. « J'ai été ignominieusement jeté à la porte, sans égard pour mes longs et loyaux services, poussé à coups de pied jusqu'au bas de l'escalier, en présence de Lady Dane et des domestiques. » continua Ravensbird. « Oui, mon maître m'a ainsi traité. Mais qu'il prenne garde à lui, car je le jure, je me vengerai. Il y a de ces insultes, monsieur, que la vengeance seule peut laver. Celle-ci en est une. Et quelle est la cause? Aviez-vous offensé votre maître? Je n'ai voulu que lui rendre service. Il s'est mépris sur mes intentions. Honnête et amical, cependant. Je le répète, qu'il prenne garde à lui. » Ravensbird continua son chemin sans plus d'explication. Herbert Dane le suivit longtemps des yeux, ébahi, abasourdi. Il était tellement étonné qu'il laissa en repos son fouet de chasse à pomme d'argent. « Il ne ferait pas bon de l'agacer en ce moment, » dit-il entre ses dents. « Mazette, quelle colère et qu'elle fasse blême. » Mais avis que Harry sera prudent en se tenant sur ses gardes. Pendant ce temps, Lord Dane, qui de sa chambre avait entendu le tumulte et les cris, faisait venir son fils et lui demandait la cause de cette scène scandaleuse. Mais le capitaine Dane refusa absolument de donner aucun détail. « Ravensbird s'est comporté comme un misérable, et je l'ai traité comme il le méritait, » se contenta-t-il de dire. Ce fut tout ce que sa seigneurie put tirer de lui. Le colonel Manton fit une visite au château dans l'après-midi et fut retenu par le lunch. Le yacht avait terminé ses réparations et n'attendait plus pour mettre à la voile que la marée du soir. Lord Dane s'enquit de l'heure du départ, et le colonel répondit que ce serait, croyait-il, vers 9 heures. Il demanda au capitaine Dane de dîner avec lui à bord à 7 heures précise. Le capitaine accepta. Les deux amis sortirent ensemble après le lunch, traversèrent le parc, firent un tour jusqu'aux ruines de la chapelle, descendirent par l'escalier dans les rochers jusqu'à la petite plage, y arrivèrent en suivant l'étroite langue de terre, effroi du douanier Michel, jusqu'à la baie où le yacht était à l'ancre. Là, ils se séparèrent, le capitaine Dane donnant pour excuse un rendez-vous dans l'après-midi auquel il ne pouvait manquer. Lord Dane, sa femme et Adélaïde venaient de s'asseoir pour le dîner. Quant à leur grande surprise, car ils avaient entendu la promesse faite au colonel Mountain, ils virent rentrer Harry. « Comment, c'est vous, Harry ?» s'écria Lord Dane. « Je croyais que vous deviez dîner à bord du yacht. »« J'ai changé d'avis, sœur. J'ai envoyé un mot au colonel. Peut-être irai-je lui dire adieu au moment de son départ. » Harry avait prononcé ces mots d'un ton bref et quelque peu étrange. Lord Dane vit que son fils souffrait. « Cette affaire avec Ravensbird vous tourmente, n'est-ce pas, Harry ? » dit-il en le regardant attentivement. « Elle m'a en effet beaucoup contrarié, sœur, plus que je ne saurais dire. »« Harry, il faut vous méfier de cet homme, » dit Lady Adelaide. « Je sais qu'il médite quelque vengeance contre vous. » Harry Dane, pour toute réponse, se contenta de hausser les épaules, en signe de mépris pour M. Ravensbird et ses projets de vengeance, mais Lord Dane demanda à Adélaïde comment et par qui elle avait appris les projets de Ravensbird. « J'ai rencontré par hasard M. Herbert Dane en me promenant cet après-midi, » répondit-elle. En l'entendant parler et en voyant l'expression calme de son visage, on aurait pu croire que M. Herbert Dane n'était pour elle que quelques vieux parents éloignés dont elle n'aurait jamais supposé devoir même prononcer le nom, ou qu'elle connaissait seulement de vue. Il m'a dit avoir rencontré Ravensbird ce matin, au moment où il sortait du château, et l'avoir entendu prononcer des menaces de vengeance. Il pense qu'il vaudrait mieux pour Harry avoir un tel homme pour ami que pour ennemi. Un sourire ironique, mêlé d'une expression d'implacable colère, contracta le visage du capitaine Dane. « Je ferai mon affaire de Ravensbird, » fut sa seule réponse, et pendant tout le cours du dîner, il ne parla que par monosyllabes. Lord Dane remarqua qu'il mangeait à peine.